Bonjour, chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber revue de presse L'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 14 octobre 2010 et je me nomme François Marginat, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie. Vous êtes sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, qui se trouve être l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, premièrement, cette semaine, vous allez voir un animateur, moi-même, avec une voix un peu nasillarde. Vous savez, j'ai chopé une sacrée grippe la fin de semaine dernière et qui a duré, qui a fessé très fort là, jusqu'à lundi, mardi. Donc, je m'en sors, ça va pas mal mieux, me voici. Sauf que j'ai encore des petites séquelles et puis ma voix est un petit peu affectée. Et aussi, cela a affecté notre horaire. Je devais faire cette entrevue avec M. John Turmel et puis, il y a eu ce pépin de cette grippe et puis M. Turmel était aussi occupé. Alors, on a remis l'entrevue un peu plus tard cette semaine, donc elle vous sera présentée la semaine prochaine. Voilà pour ça. Ensuite, il y avait des petites précisions à faire par rapport à ce que j'avais discuté la semaine passée. J'avais ouvert l'émission avec les 10 stratégies des manipulations de masse. Alors, il y avait des petites corrections à faire, là, des points qui nous ont été apportés à notre attention par un de nos auditeurs sur la chaîne YouTube de L'Autre Monde. Alors, ne manquez pas aussi d'aller voir cette superbe chaîne YouTube. Dont Monsieur Stéphane Poutoir s'occupe, notre correspondant français, que je tiens à remercier encore. L'émission grandit tout le temps, grandit à cause de vous, grandit à cause de cet excellent collaborateur qui nous aide à mettre l'émission aussi en ligne sur l'Internet, la sectionner en petites vidéos YouTube facilement accessibles et puis que vous pouvez propager un peu partout. Alors, nous avons des gens qui nous ont écrit sur cette chaîne YouTube et on a porté à notre attention un fait que j'avais mentionné qui était plus ou moins précis. Alors, premièrement, une erreur qui m'appartient et que j'avais dit que M. Chomsky était l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les armes silencieuses pour guerre tranquille ». Et puis, c'est une erreur que j'ai faite. Et puis, c'est drôle parce que même en le disant, je trouvais qu'il y a quelque chose qui clochait. Et en réalité, M. Chomsky n'a pas été l'auteur de ces papiers-là. On retrouve en fait la source plutôt du côté de Hartford Van Dyke, qui affirme avoir assemblé les informations qui composent le document et indique qui les a retrouvés dans un fameux ancien photocopieur. Alors, vous avez des sources qui vont être disponibles cette semaine pour aller voir ça. On avait aussi posé la question à savoir si c'était bien M. Chomsky qui avait écrit ces 10 stratégies-là. Et puis, en effet, il semble que après quelques recherches approfondies, que c'est bien M. Chomsky à l'aide d'Ignacio Ramonet. Je ne sais pas si c'est encore pour le monde diplomatique. Je sais qu'il avait travaillé pour le monde diplomatique. En tout cas, s'il n'est pas encore là, c'est un ancien rédacteur important. Et puis, ils ont écrit un livre qui est paru en espagnol. Et puis, c'est dans ce livre qu'on a retrouvé ces 10 stratégies de manipulation des masses. Alors, voilà pour les quelques petites précisions. Alors, on va y aller avec, on va y aller avec, on va sortir avec l'économie. On va après ça passer à travers de BP, quelques petites nouvelles du Moyen-Orient. On va prendre une pause et puis après ça, on va revenir avec les nouvelles de l'actualité. Alors, on a une émission assez chargée encore. Alors, accrochez-vous. On va y aller rondement et puis n'hésitez pas à télécharger l'émission et la réécouter si vous n'avez pas le temps de vraiment tout absorber les informations. Et n'oubliez pas que cette émission est documentée, alors vous allez retrouver tous les liens comme à l'habitude chaque semaine sur les nouvelles internationales qui se trouvent être le blog, là, mon blog personnel et sur lequel aussi là, toutes les sources des nouvelles dont je parle ici se retrouvent à chaque semaine. Alors normalement la journée d'après, le vendredi ou plus tard le samedi dans les pires cas. Alors, allons-y dans les nouvelles de l'actualité dans l'économie. On a appris cette semaine que le ministre des Finances, Jim Flaherty du Canada, on a reconnu là, que le déficit fédéral était monté à un point historique. Vraiment, là, on parle d'un point historique. Là, on est en train de briser des records ici, c'est incroyable. Et le gouvernement a encouru un déficit cette année. Vous savez, l'année fiscale s'est terminée à fin septembre et on a un déficit de 55,6 milliards de dollars. Là, on essaie de nous rassurer rapidement dans les nouvelles en nous disant que là, selon les projections qu'on a, on devrait avoir un surplus au gouvernement en 2015-2016. Alors, comme on dit en anglais, whatever. Ces gens-là, peu importe, ils nous remplissent, excusez-moi le terme, là, mais ils nous remplissent de merde, là, je veux dire, ces gens-là, finalement, ils nourrissent nous autres, là, c'est tout le temps les belles visions, tout le temps très positives, et puis à chaque année, après ça, on se rend compte que ces gens-là nous avaient remplis de caca, et puis c'est tout le temps des mensonges, un par-dessus l'autre. Alors, bien sûr, ben oui, comme si le Canada était pour s'en sortir, vous regardez les nouvelles économiques, là, dernièrement, les dernières semaines, vous avez des pertes d'emplois au Canada, les salaires qui baissent, vous avez des pertes, en fait, des pertes de propriété de maison, des reprises de finances. Et puis, bon, ça continue à se dégrader, là. Je veux dire, moi, ça fait des semaines que je vous le dis qu'on va frapper le mur une seconde fois, un mur économique assez incroyable. Ça va se passer, là, cet automne ou plus tard, le début de l'hiver. Ça, c'est certain, certain. On s'en reparle rendu là, si je me trompe réellement, là, je vous le dirai publiquement, là, mais je vois aucune raison pour laquelle là, on se tromperait. Vous avez même les meilleurs économistes, vous avez même les gens comme Joseph Stiglitz, des anciens, des structures financières mondiales. Ces gens-là, ils voient les choses, comment ça se passe, là. Donc, vous avez même Bernanke, Geithner aux États-Unis qui ont avoué que les prospectus, là, les prospects économiques ne sont réellement pas. Ne sont réellement, n'augurent pas bien du tout, OK? Donc, réellement, là, ces gens-là commencent à avouer que là, la situation ne regarde pas bien, c'est qu'il est temps de sortir votre parapluie et de l'ouvrir parce qu'il va se mettre à pleuvoir très bientôt. Alors, voilà, donc, le Canada qui commence à être en déficit, et puis n'oubliez pas non plus que ces trucs-là, c'est des illusions, là. On parle de dette ici, là, de déficit, et puis tout ça, c'est complètement des illusions, là. La dette, ça n'existe pas du tout. Mais on crée des fausses dettes comme ça, et puis on vous met ça sur le dos. Et puis, pour quel résultat? Ben, pour le résultat que finalement, vous devenez des esclaves économiques, vous êtes obligé de rembourser des dettes qui n'existent tout simplement pas, de l'argent que la Banque centrale aurait pu imprimer sans intérêt. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'emprunte à des banquiers privés avec des intérêts incroyables. Des gens-là nous prêtent de l'argent qu'ils n'avaient même pas en départ. Ils impriment de l'argent. Ils la créent à partir de nulle part, ex nihilo. Et puis, zip zap, après ça, vous vous retrouvez, vous, avec des dettes incroyables à rembourser. Des dettes qui sont à des niveaux records et puis qui entraînent aussi des intérêts qui coûtent des fortunes, OK? Donc, vous allez voir ça un peu plus loin, là, dans les nouvelles économiques, là, où on apprend que aux États-Unis, en 2015, OK? Les Américains vont devoir payer plus de 600 milliards de dollars en intérêts seulement sur la dette. Okay? Donc, vous devez comprendre là, que les États-Unis se dirigent inéluctablement vers une banqueroute. Ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. La façon dont laquelle elle va se manifester, là, ça reste à voir parce que d'étape en étape, on voit ces fameux financiers, cette fameuse Banque centrale aux États-Unis sortir des tours de magie de leur chapeau. Ces magiciens-là sont absolument fantastiques. Alors, manipulent les marchés d'un bord puis de l'autre. On finit tout le temps pour essayer de tendre l'élastique encore un peu plus longtemps, mais c'est un élastique qui va finir par se briser. Et puis, à un moment donné, on va assister à soit un écroulement catastrophique de la devise américaine ou une banqueroute du gouvernement fédéral. Qui risque de commencer avec des banqueroutes des États. Alors, on va voir plusieurs États faire banqueroute et puis, de façon inéluctable, va finir par attraper le gouvernement fédéral. Et là, on ne parle pas juste des États-Unis. C'est sûr que ça va finir par frapper plusieurs nations au niveau international. Et puis, avant qu'on se rende là, vous allez assister à ce qu'on est en train de parler de plus en plus dans les médias, à des guerres économiques. OK? De nos jours, on n'a plus besoin de déplacer des armées, de dépenser de l'argent sur des soldats et puis des munitions, déplacer de l'équipement militaire. De nos jours, on mène des guerres économiques qui font beaucoup plus de ravages et qui tuent beaucoup plus de personnes que des guerres avec des soldats et des armées physiques. Ça, vous devez absolument comprendre ça très clairement dans votre tête. Ces guerres-là qui entraînent des millions de morts, OK? Des millions de morts silencieuses. On ne voit pas ça. C'est invisible. On met ça sur le dos de la famine, on met ça sur le dos de la pauvreté. Mais vous devez comprendre qu'est-ce qui cause cette pauvreté, et puis ces famines, et puis je dirais, toute cette pauvreté. Oui, il faut le dire, là. Je veux dire, la tiers-mondialisation des pays occidentaux est en marche depuis plusieurs années. Alors, si c'est la tiers-mondialisation pour les pays occidentaux, imaginez ce qui se passe dans les pays qui sont déjà dans le tiers-monde. Alors, on est en train d'égorger les personnes financièrement, on est en train de les tuer. C'est le génocide des pauvres à lequel on est en train d'assister, OK? Un génocide des pauvres. Je pèse mes mots, c'est réellement ce qui est en train de se passer. Et puis là, on va voir de plus en plus des nations qui vont se livrer des guerres de monnaie, OK? Alors, vous allez voir des guerres de monnaie. On va imposer de plus en plus de taxation sur l'importation. Donc, dans plusieurs pays, c'est déjà en train de prendre forme dans quelques-uns des pays. Et puis là, vous allez avoir une genre de guerre entre l'Asie puis les centres financiers occidentaux, dont l'Angleterre et les États-Unis. Vous avez déjà des projets de loi aux États-Unis qui sont en train de faire en sorte qu'on va punir la Chine pour apparemment manipuler sa monnaie, alors qu'à peu près tous les pays du monde manipulent leur monnaie depuis l'abandon du standard à l'or. Alors, je ne suis pas en train de dire que là, il faudrait réinstaurer le standard à l'or, sauf que le système des monnaies flottantes ne fonctionne pas, ça c'est évident. Tout ce que ça fait, c'est l'entraîner la spéculation sur à peu près n'importe quoi, autant sur la monnaie que sur les denrées de base, comme la nourriture. Vous allez voir aussi, là, dans les nouvelles économique, le prix de la nourriture de base qui commence à augmenter de façon catastrophique. OK, ça c'est une affaire qui va être à surveiller encore. Ça, c'est vraiment pas drôle parce que qui est le plus frappé durement par ces trucs-là, ben c'est justement les pauvres, c'est les personnes qui sont les moins bien nanties. OK? Donc, ça, c'est de quoi surveiller, là. Vous allez voir le Standard & Poor, le GSCI Agriculture Index. On montre ici, là, dans ces index-là, que les prix des produits de base, des denrées de base, commencent à augmenter de façon assez catastrophique. OK? Alors, on parle évidemment d'inflation, on parle de l'inflation dans le secteur alimentaire qui va frapper très dur. C'est déjà en train de frapper assez violemment le marché international. Selon les Nations Unies, vous avez les prix du blé qui ont augmenté de plus de 60 à 80 % depuis le mois de juillet seulement. Depuis le début de 2010, vous avez le prix du pain qui a augmenté de 17 % et vous avez le prix de la viande qui, elle, a augmenté de 15 % dans l'Union européenne. Vous avez aussi en Russie les taux d'inflation qui ont monté de 7 % au mois de septembre, premièrement causé à cause justement de le prix du prix de la nourriture qui ne cesse d'augmenter. En Turquie, vous avez aussi des taux d'inflation qui accélèrent à 9,2 % au mois de septembre. Et encore là, on blâme ça sur le prix de la nourriture qui augmente de façon fulgurante. Vous avez d'ailleurs aussi certaines révoltes à propos de justement de cette nourriture qui coûte de plus en plus cher dans des pays pauvres comme en Mozambique. OK? Alors, on est en train là, justement de voir des éruptions de mécontentement dans la population. En Afghanistan, vous avez le prix de la nourriture qui a plus de doublé. Ça aussi, là, vous voyez, là, on a des menaces, là, des spectres de famine qui commencent à se dresser à l'horizon. Donc, ça aussi, là, vous voyez, là, c'est des choses qui frappent la population directement. Pourquoi? Parce que vous avez ces sans-dessein de spéculateurs-là qui, pour faire de l'argent, ils se pensent mal, eux autres, ils vont faire de l'argent. Hein? Je veux dire, eux autres font de l'argent comment? Ben, en achetant des récoltes qui ne sont même pas encore poussées, en les revendant dans le futur. Alors, complètement de l'économie virtuelle. Le marché des produits dérivés, encore là, qui joue des siennes. Et puis, qui paye? Ben, c'est le petit consommateur. Alors, vous avez le café qui a augmenté de 45 %. Vous avez l'orge 32 %, les oranges 35 %, le bœuf a augmenté de 23 %, le porc 68 %, le saumon de 30 %, le sucre de 24 %. Alors ça, c'est des chiffres qui vient de Richard Benson. OK, alors ça, c'est juste en 2010. OK, alors regardez ça et puis franchement, attachez votre ceinture. C'est peut-être bon de faire des réserves en ce moment pour essayer de contrer l'inflation qui va continuer de sévir tout le long de l'automne. Vous avez des compagnies américaines aussi qui avaient sauvé, qui avaient réussi à économiser beaucoup d'argent ces dernières années. On parle de centaines de milliards de dollars et puis on avait des réserves d'argent comme ça, d'épargne. Et puis ces compagnies-là commencent à dépenser ces épargnes, non pas en essayant de créer plus d'emplois ou d'ouvrir des nouvelles entreprises ou quoi que ce soit d'autre, mais commencent à racheter des parts de leurs compagnies sur les marchés financiers. Et puis là, on parle ici là, de rachat de parts à niveau record. Ça a été publié dans le Washington Post le 7 octobre dernier. Alors, depuis quelques mois, vous avez ces compagnies-là qui investissent des milliards de dollars. On parle en fait de 273 milliards de dollars de rachat de leurs propres parts. De propre part en bourse, OK? Pourquoi? Ben, parce qu'on veut faire monter ces parts-là, on veut faire monter le prix de ces parts, essayer de faire monter après ça le Dow Jones. Alors, vous voyez que tout ça, c'est des manipulations. Vous regardez le Dow Jones, ah, le Dow Jones augmente. Le Dow Jones n'augmente pas parce que les gens ont commencé à avoir confiance, parce que l'économie est en train de remonter. Non, non, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des manipulations, tout le temps des manipulations financières. Et puis là, ben, tout a l'air tout beau, tout rose, c'est fantastique, les gens sautent dans les airs, wouhou, je veux dire, on est dans le coton, hein, je veux dire, c'est fantastique, sauf qu'en réalité, c'est un système qui est complètement fini. Je veux dire, là, les compagnies, vous avez même Microsoft ici, là, qui a même emprunté 4,75 milliards de dollars le mois dernier pour créer des nouveaux bons et puis essayer de, vous voyez, là, de créer de l'argent et puis rattraper cet argent-là pour acheter d'autres parts. Alors, je veux dire, ça, c'est des choses qui sont à avoir en tête, là. Je veux dire, si vous êtes dans le marché boursier, sortez de là. Je veux dire, ça ne regarde pas bien du tout, là. Je veux dire, c'est une grosse fraude de A à Z. Des CEO, des directeurs de banques qui ont plaidé coupables à New York cette semaine. Alors, vous avez le chef exécutif de Park Avenue Bank. Vous avez ensuite d'autres banques aussi qui ont accepté la responsabilité, là, je veux dire, d'avoir fraudé le système. Dans le cas de la Park Avenue Bank, on a touché 11 millions de dollars des payeurs de taxes qui venaient du fonds. Du plan de sauvetage, OK, qu'on appelait en anglais le TARP, le Troubled Asset Relief Program, dans lequel on avait pris de l'argent des payeurs de taxes pour aider les pauvres petits banquiers, hein, ces gens-là qui font verser des larmes, les pauvres petits banquiers qui avaient de la misère. Je me disais, attendez un peu, oh mon Dieu, j'ai de la peine! Alors, au lieu d'aider les Américains qui perdent leur maison à cause de des fraudes bancaires, les banques qui ont créé des faux documents pour finalement faire des reprises de finances qui n'avaient pas du tout à avoir lieu, vous avez des banques qui ont même reprise des finances, qui ont reprise de finances des maisons qui ne leur appartenaient pas du tout. Vous allez avoir des nouvelles aussi cette semaine. Vous allez voir que des banques n'ont même pas attendu que les gens aient fait banqueroute pour aller reprendre leurs finances, aller reprendre leur maison, OK? Vous avez un exemple cette semaine assez scandaleux où une dame était à la maison et puis elle a entendu des gens essayer de forcer la porte d'entrée. Elle s'est réfugiée dans sa chambre de bain et puis a appelé la police et finalement, c'était qui était à la porte? C'était des agents qui étaient engagés par une banque pour reprendre de finances. Faire une reprise de finances, une maison qui n'appartenait même pas encore à la banque, qui n'avait même pas été reprise par la banque, qui appartenait encore à la dame. La dame n'avait même pas encore fait de banqueroute. Imaginez, je veux dire, complètement débile. Une nouvelle qui a été publiée par ABC News. Alors, allez voir ça. Je veux dire, c'est assez capoté, là. Ça s'est passé à Orlando. La banque qui avait envoyé des contracteurs, c'était JP Morgan Chase. Alors, vous voyez, c'est les gros joueurs, là. Je veux dire, ces gens-là qui voient la tempête s'en venir. Ces gens-là savent que le système va s'écrouler, ce ne sera pas très long. On va assister, comme je vous disais, à un écroulement de la monnaie américaine, du dollar américain, ça c'est certain. L'euro qui va suivre, ce ne sera pas longtemps après. Ces gens-là voient la parade s'en venir de loin, OK? Parce que c'est ces gens-là qui sont artisans de cet écroulement de l'économie mondiale, OK? Donc, ce n'est pas des caves, sauf que c'est des criminels très dangereux. Je veux dire, ces gens-là devraient être pendus sur la place publique dans les nouvelles de 6 heures. Je veux dire, moi, je ne suis pas pour la peine de mort, mais il y a des exceptions à faire. Quand vous avez des gens qui plongent des millions de personnes dans la pauvreté, qui font en sorte que des millions de personnes perdent leur maison, perdent leur emploi, perdent leur épargne d'une vie entière, je veux dire, à un moment donné, ces choses-là doivent se payer à quelque part. Il doit y avoir des responsables. OK? Et puis, ces gens-là, ils sont clairement les responsables. Il faut se mettre d'accord sur des choses, là, OK? Alors, là, ces gens-là voient la tempête s'en venir. Et puis, ces gens-là savent que l'argent de papier ne vaut absolument rien. OK? Les beaux petits billets que vous avez dans votre portefeuille, ça ne vaut absolument rien. C'est des preuves de dette. OK? Tout l'argent qui existe dans le système économique en ce moment, c'est basé sur la dette. C'est des preuves de dette. OK? Il faut être bien, bien conscient de ça. Donc, les banquiers, ils savent que ça ne vaut absolument rien. C'est des chiffres. C'est rien que des chiffres dans un ordinateur. Le papier que vous avez dans votre portefeuille, là, vous pouvez le prendre pour aller aux toilettes puis vous nettoyez le derrière avec. C'est la même maudite affaire. Fait que ces gens-là sont en train de faire le prochain mot, sont en train de passer à l'action pour mettre la main sur des valeurs réelles, des valeurs physiques. Et quelles sont ces valeurs réelles? Votre maison, votre terrain, des business. Ils sont en train de mettre la main sur des pays en entier. Et puis après ça, problème, réaction, solution, ils vont vous dire, hey là, il faut imposer des taxes globales, il faut imposer un système de régulation financière, une banque mondiale, qui vont être gérée par qui? Par les mêmes connards, les mêmes criminels. Et puis là, cette semaine, vous allez avoir un sommet du FMI. Et puis dans ce sommet-là, vous allez apprendre qu'à la veille de ce sommet-là, vous avez 200 quelques banques qui se sont mises ensemble, qui ont publié une nouvelle cette semaine en disant qu'il faudrait créer une monnaie mondiale. Une monnaie mondiale qui va être imprimée et créée par qui encore, vous pensez? Par une institution démocratique contrôlée par le peuple? Ben voyons donc. C'est sûr que ce ne sera pas ça. Ça va être par les mêmes connards qui sont en train de vous plumer, qui sont en train de voler en plein jour. Alors que la population dort au gaz, peut-être, en tout cas, il faudrait parler de l'Amérique du Nord. En Europe, les gens savent un peu plus ce qui est en train de se passer. Vous avez eu des grèves générales. Je crois que la population européenne est pas mal plus éveillée qu'ici. En Asie, oubliez ça. Les gens dorment au gaz bien raide, ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Vous avez 95% de la population qui savent même pas c'est quoi le principe de la création de la monnaie. OK? Je dirais peut-être même plus. 99% des gens sur la planète Terre savent même pas comment la monnaie est créée. Après ça, on se demande pourquoi qu'on est pauvre, on a de la misère à arriver à la fin du mois, pourquoi que l'économie crash aux 20 ans, pourquoi qu'on fait banqueroute, pourquoi que même la banqueroute existe. C'est-à-dire, la banqueroute n'a même pas besoin d'exister. Dans le système économique dans lequel on vit actuellement, c'est fait en sorte pour que chaque 11e personne sur 10 fasse banqueroute. C'est prévu, il y a un mécanisme. Le mécanisme est bâti comme ça dans le système, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin de faire faillite dans le système. Puis ce système-là, pour se perpétuer, doit créer tout le temps de plus en plus de dettes. C'est un système pyramide. Alors, à la base, il faut créer de tout le temps créer de plus en plus de dettes pour que les gens à la tête fassent de plus en plus d'argent. Alors, à un moment donné, là, il va falloir que les gens se réveillent. Et puis, c'est pour ça qu'on va voir John Turmel la semaine prochaine pour vous parler de ce système complètement malade, ce système qui est fait pour appauvrir la planète et puis mettre placé entre les mains d'une élite mondiale, une élite financière, une élite de banquiers internationaux qui perdure depuis 200-300 ans facilement. On pourrait remonter à 2000 ans si on veut, mais allons-y étape par étape. Un système financier qui est entre les mains, qui est fait pour concentrer, consolider le pouvoir entre les mains des mêmes personnes qui contrôlent, qui créent des crashs économiques, qui financent les guerres. Financent les guerres, pourquoi? Parce que quand on finance des guerres puis on crée des guerres, on crée des dettes. Après ça, ces dettes-là sont dues à qui? À des banquiers internationaux. Un coup que le banquier détient la dette d'un pays, qui contrôle le pays, qui contrôle son économie? Ces fameux banquiers privés-là. All right? Alors, ça, à un moment donné, il va falloir que la population au large comprenne ça, parce qu'il reste une guerre à mener. Je suis pas pro-guerre, je suis un gars pacifique, mais il reste une guerre à mener. C'est la guerre qui va opposer le peuple contre les banquiers privés, contre les banquiers internationaux. Alors, voilà, on commence en Lyon, mais c'est comme ça que, je veux dire, à un moment donné, ça, c'est le cœur du système. Et puis, à peu près toutes les autres nouvelles qui gravitent autour, donc je parle à toutes les semaines, sont liées à ça. Grosso modo, là, c'est pas mal ça. Je veux dire, c'est le système central, c'est le cœur central du problème. En Angleterre, on apprend dans le Guardian que le prix des maisons a baissé de 3,6%. Alors, le prix des maisons commence à baisser un peu partout. On a créé une bulle immobilière. On gonfle le prix. Les gens doivent payer de plus en plus d'argent, plus les intérêts pour se taper une maison. Et puis après ça, ben, quand les gens font péter le système, quand je parle des gens, c'est les banquiers internationaux, encore les banquiers privés, quand ces gens-là commencent à rappeler la dette, quand ces gens-là cessent de faire des prêts, ben là, les gens commencent à un moment donné à manquer d'argent. On doit rembourser. Et puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, oups, on voit une déflation des prix des maisons. Alors, le gars, il a acheté sa maison à 300 000 $. Maintenant, sa maison ne vaut que 200 000. Hey, ça, c'est déjà un méchant coup d'airain. Et puis là, ça commence à se passer aux États-Unis, ça se passe au Canada, ça se passe en Angleterre. Vous allez voir ça un peu partout. Là, vous avez, on apprend dans cette nouvelle-là en Angleterre que les prix des maisons ont baissé de 3,6% au mois de septembre. La plus grosse baisse en 27 ans. Alors, des records comme ça, on va en avoir de plus en plus. All right? Alors, ça aussi, c'est à suivre à l'œil de façon très constante cet automne. La classe moyenne qui est en train de disparaître, et puis c'est bien le but de cette crise financière-là, c'est de la faire disparaître. Alors, les standards de vie qui sont en train de baisser, la qualité de vie, hein, je veux dire, en a plus, est en train de dropper, est en train de couler comme une grosse roche dans l'eau. Alors, vous avez quelques indices ici. Vous avez des 52 régions métropolitaines aux États-Unis. Vous avez seulement une ville de ces 52 plus larges concentrations urbaines des États-Unis, soit San Antonio, qui n'a pas vu de déclin dans le revenu par maisonnée en 2009. Okay? Alors, toutes les 51 autres plus grandes régions urbaines des États-Unis ont enregistré des baisses de revenus. On ne parle pas juste des États, là. Ici, on parle des maisonnées, des gens. OK? Donc, là aussi, là, à un moment donné, on ne verra pas de reprise financière si les gens n'ont pas plus d'argent dans leur poche. La propriété, hein, les gens qui ont des maisons aux États-Unis sont en déclin pour une troisième année d'affilée. Ça, c'est des chiffres qui ont été enregistrés en 2009. Alors, 2007, 2008, 2009, de moins en moins de propriétaires de maisons aux États-Unis. En 2009, on a approximativement 4 millions d'Américains qui sont sortis de la classe moyenne pour rentrer dans la classe des pauvres. Alors, on est tombé sous la ligne de la pauvreté. Ça va bien aux États-Unis. C'est pas ça qu'on vous montre dans les films, là. Quand on vous montre des films américains, on voit tout le temps des grosses maisons, des maisons, là. Ça a l'air de des palaces, OK? Des affaires qui vaut 2-3 millions de dollars. Mais c'est pas la réalité aux États-Unis. Allez vous promener dans les rues, vous allez voir que ça commence à faire dur aux États-Unis. Vous avez aussi le nombre d'Américains qui sont sur les listes d'aide alimentaire qui viennent de frapper d'autres records depuis 20 mois consécutifs. Alors, on a, selon différents chiffres, là, une quarantaine, en fait, c'est 41,8 millions d'Américains qui sont sur l'aide alimentaire. Ça, c'était les chiffres disponibles au mois de juillet dernier. En 2009, on avait 43,6 millions d'Américains qui vivaient dans la pauvreté. Ça, c'est des chiffres là, gouvernementaux, des chiffres qui sont manipulés, maintenus à la baisse pour pas trop effrayer. Selon d'autres agences de calcul qui suivent la situation de près, qui sont très, très crédibles, on se situe autour de 50 à 52 millions d'Américains qui sont pauvres, sous la ligne de pauvreté. Alors, on parle d'un Américain sur six qui est pauvre. C'est beaucoup de monde, ça, là. Ensuite, il ne faut pas oublier les enfants là-dedans. Selon des études récentes, on a approximativement 21% de tous les enfants des États-Unis qui vivent sous le niveau de la pauvreté en 2010. Il se trouve que vous avez seulement que 5%, le top 5% des maisonnées américaines qui ont gagné assez d'argent, de revenus supplémentaires pour matcher l'augmentation du prix pour se loger. Okay? Ça, c'est des chiffres là qu'on retourne même depuis 1975. Alors, vous avez des gens qui n'arrivent plus non plus à matcher le coût, l'augmentation des coûts pour se loger. Alors, ça coûte de plus en plus cher à se loger et puis les gens gagnent de moins en moins d'argent. On n'arrive même pas là, à arriver à essayer de combler le manque à gagner. Alors, vous voyez là, c'est des chiffres assez alarmants. Vous avez aussi pour la première fois aux États-Unis, depuis l'histoire des États-Unis, les banques qui possèdent une plus grande part de maisons, de résidences, okay, de valeurs résidentielles que tous les Américains mis ensemble aux États-Unis. Ça, c'est assez aussi alarmant. Alors, les banques qui possèdent plus en valeur résidentielle, en valeur d'argent que les Américains mis ensemble. OK? Ça aussi, là, c'est un indice très clair. Je veux dire, c'est la photo est directement dans votre figure. Alors, vous voyez que là, les banques, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, sont en train de prendre possession du pays, de tout ce qui se passe, des biens physiques, des maisons, des compagnies. Et puis, dans une quelques années, vous allez vous retrouver avec une population de locataires qui va louer, qui va finalement louer à peu près tout. Autant en terre que maison, que leur emploi, n'importe quoi. Et puis les grands propriétaires vont être ces banquiers privés. Vous avez 1,4 million d'Américains qui ont fait banqueroute, des banqueroutes personnelles en 2009. Ça aussi, c'est une augmentation alarmante, absolument hallucinante, de 32% depuis 2008. Une autre statistique incroyable qui vient justement du Bureau des statistiques des États-Unis, qui montre que le 1/5 des Américains qui gagnent le moins d'argent aux États-Unis, alors le 1/5 des personnes les plus pauvres aux États-Unis, ont gagné 3,4% de tous les revenus en 2009 qui ont été encourus par les Américains, alors que le top 1/5 des Américains, eux, ont emmagasiné 49,4% de tous les revenus qui se sont faits aux États-Unis en 2009. Alors, voyez, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Alors, il n'y a pas de coïncidence là-dedans. Ça se fait de façon carrément volontaire. Alors, à quand la révolution? On va voir. Ensuite, on a une nouvelle législation ici d'Obama qui va faire en sorte que on va venir en secours encore aux banques. Alors, on va essayer de mettre en place un nouveau plan de sauvetage pour les banques et cette législation-là va faire en sorte que ça va tout simplement écraser les propriétaires de maisons qui, eux, vont être en position de plus en plus difficile pour challenger une fausse reprise de finances. Alors, comme on voit actuellement des fraudes totales pour faire des reprises de finances, alors on va rendre ça encore plus difficile pour les propriétaires de maisons qui se croient lésés dans leurs droits d'avoir des recours en justice et puis de revenir contre ces banques-là. Alors, ça, c'est la réponse d'Obama dans tout ce bordel de reprises de finances qu'on voit en ce moment. Alors, au lieu d'aider les propriétaires, on va leur nuire encore plus. Alors, n'est-ce pas absolument révoltant de voir ça? Alors, les Américains qui apparemment épargnent trop d'argent, ça selon des officiels de la Banque fédérale, on se plaint que les Américains épargnent trop de l'argent. Alors, on doit créer plus d'inflation selon eux. Imaginez. Alors, ces gens-là se disent, hey, c'est pas bon, les Américains, là, ils épargnent trop. Alors, on va faire en sorte qu'on va monter l'inflation, on va créer plus d'inflation. Alors, quand vous pensez que l'inflation a été créée parce que là, l'économie s'emballait, bouf, vous avez directement la vérité en pleine face. Vous avez les officiels de la Réserve fédérale qui vous disent directement de leur bouche même que c'est eux autres qui créent l'inflation et puis qui suggèrent qu'on devrait en générer encore plus pour faire en sorte que les Américains dépensent plus. Alors que vous devez comprendre que ça, c'est un vol. valait de deux mensonges. Le premier, c'est que les Américains n'épargnent pas plus. Les Américains sont obligés de rembourser leur hypothèque et leurs prêts. Alors, ça, c'est calculé dans des chiffres comme si c'était les Américains qui épargnaient, alors que ce n'est pas de l'épargne, c'est simplement du remboursement de leur dette, de leur hypothèque. Et puis, le deuxième volet de ça, qui est un grand mensonge terrible, hein, on est en train de vous effoirer une tarte en pleine face, on est en train de vous dire qu'il pleut alors qu'on vous crache en pleine face, et puis le fait est que, en réalité, l'inflation ne va pas faire en sorte que les Américains dépensent plus, ça va tout simplement appauvrir les gens encore plus, ça va faire en sorte que les gens vont devenir de plus en plus pauvres, vont avoir de la misère à arriver, plus de reprises de finances, plus de pertes d'emploi, plus de problèmes à acheter de la nourriture même qui coûte de plus en plus cher. Alors, c'est vraiment pas d'inflation qu'on a besoin pour stimuler l'économie, ça c'est certain. Hein? Pensez-vous réellement qu'en augmentant l'inflation, cela va stimuler l'économie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ça sonne comme une bonne idée? Réellement. Alors, ça, c'est censé être des idées géniales qui viennent des esprits les plus éclairés, les esprits économiques les plus éclairés qui gèrent la nation des États-Unis. Hein? Alors, ne devient-il pas de plus en plus clair que ces gens-là qui gèrent la Banque centrale des États-Unis n'ont absolument aucune idée, ces gens-là, c'est absolument n'importe quoi, n'ont aucune idée comment formuler des politiques économiques saines. Et puis, c'est ces gens-là qui gèrent l'économie des États-Unis. C'est inquiétant. OK? Alors, regardez ça, vous avez des articles justement sur ces guerres des monnaies qui est en train de ressurgir un peu partout. Les médias en parlent de plus en plus. Vous allez assister à des guerres de monnaie entre le yuan chinois, le renminbi, je devrais dire chinois, le yuan japonais, le dollar américain, l'euro. Vous allez voir ces différentes monnaies-là, la monnaie brésilienne, qui vont avoir de plus en plus de conflits ensemble et vont se livrer des guerres économiques. Et puis, il ne serait pas surprenant de voir le dollar américain se diriger vers un désastre dans un futur pas très lointain. Vous avez la nouvelle ici dont je parlais, c'est 420 banques qui ont demandé pour une monnaie internationale. Alors, 420 banques, ben oui, fantastique. Bravo les banquiers, donnons-leur plus de pouvoir, ça va vraiment nous aider. Et puis, vous avez ici une vidéo importante, allez voir, une lecture ici, une présentation de Thomas Barnett qui montre la nouvelle carte du Pentagone. Alors, on voit les nouvelles politiques du nouvel ordre mondial qui sont mises directement sous votre visage, où on parle justement de ces États-Unis qui essaient de se donner ce nouveau rôle de policier global, ce gouvernement mondial, pour les banquiers internationaux. Alors, une vidéo très intéressante à aller voir. Et puis, cela n'a absolument rien à voir avec un site Internet de conspirationnistes. Allez voir ça, c'est très, très, très, très crédible. Bien souvent, la vérité, hein, vous vient directement des papiers les plus ennuyants, les papiers qui vous font tout simplement vous endormir en lisant, mais qui viennent pourtant de ces groupes de think tanks, comme le Wall Street Journal, okay, ou dans les magazines, des périodiques de l'élite. Et puis, c'est à travers souvent ces publications-là que vous avez cette élite qui communique avec les uns et les autres, okay, et où on apprend directement ce que ces gens-là ont en réserve pour vous, c'est quoi leur plan. Alors, allez voir cette vidéo qui est très, très intéressante. Alors, avant la pause, on va y aller aussi avec BP. Vous avez différentes nouvelles, on va y aller assez rapidement. Vous avez l'admiral Tad Allen qui était responsable du nettoyage et puis du désastre pétrolier aux États-Unis qui, lui, a quitté et puis se dirige maintenant vers la RAND Corporation. Alors, vous voyez encore là, ces gens-là qui travaillent pour le gouvernement, après ça, ça va travailler dans des firmes privées. Alors, vous allez voir ça, va travailler aussi avec le Department of Homeland Security sur la prévention du terrorisme. Alors, maintenant qu'on a fini une période de propagande et puis de lavage de linge sale public, alors ces gens-là vont être recyclés dans le domaine privé. Alors, c'est le domaine privé qui gère le gouvernement. Alors, c'est à peu près ça. Ensuite, vous avez Obama qui a bloqué les vrais chiffres sur le déversement de pétrole. On apprend ça dans une vidéo ici. simplement défraudé les payeurs de taxes et puis ont prévenu la vérité d'atteindre la place publique. Alors, on avait les vrais chiffres de la quantité de déversement de pétrole et puis on a essayé de minimiser ces chiffres-là pour ne pas alerter le public et la population. Alors, voilà, ça c'est la présidence de toute semblance. Alors, c'est tout le temps la fausse image qu'on vous présente publiquement alors que les choses allaient vraiment plus mal que ce qu'on prétendait. Alors, c'est tout le temps la même chose. Vous avez le gouvernement aussi qui retient des données clés sur les tests qui sont faits sur la nourriture, donc sur les fruits de mer qui sont pêchés dans le golfe du Mexique. Ça, c'est selon différents scientifiques. Alors, on a des officiels qui ont gardé encore là ces données-là. On ne veut pas alerter la population alors que vous avez ces fruits de mer-là qui ne sont pas comestibles, qui sont toxiques. Et puis, le gouvernement qui refuse de rendre des données qui sont cruciales pour comprendre ce qui se passe. Alors, on laisse la population s'empoisonner. Vous avez différentes photos où on voit encore là, le pétrole sur des belles plages blanches. Et ça aussi, là, vous avez plusieurs vidéos à voir aussi qu'on apprend que BP, le gouvernement, ont creusé des tranchées pour enfouir du pétrole. On continue tout le temps de dissimuler le pétrole qui se retrouve même enfoui sur la plage. Et ça, je veux dire, on va avoir des nouvelles de ça dans les prochains mois à venir. C'est assez incroyable. Je veux dire, on essaie encore de dissimuler cette catastrophe-là en faisant croire que tout est beau. Vous avez encore là plusieurs panaches d'huile géante sous la surface de l'océan. Alors, ça commence à apparaître dans des eaux peu profondes qui se retrouvent autour de la côte, là. Alors, vous allez voir ça sur les plaques continentales. Alors, ça aussi, c'est un sujet très préoccupant. Vous avez la tête de l'EPA. The Environmental Protection Agency qui testifie qu'on utilise encore des dispersants dans le golfe du Mexique et puis que cela était en anglais very evil, alors très maléfique. Alors, cette utilisation de corexit-là qui est encore plus toxique que le pétrole lui-même. Vous avez des chercheurs ici qui ont trouvé des augmentations de 40 fois des niveaux toxiques. Alors, on a même ici des échantillons d'air et puis d'eau le long des 400 000. Alors, on parle d'à peu près 500, 600 km de le long de la côte du golfe du Mexique. Alors, des augmentations de plus de 40 fois là, les niveaux toxiques. Alors, des échantillons d'air et des échantillons d'eau. Alors, ça aussi, là, vous voyez, là, c'est pas des petites augmentations, là, je veux dire, des augmentations catastrophiques qui mettent en danger la vie des gens qui habitent le long des côtes. Vous avez des chercheurs aussi qui ont trouvé des différentes couches de slime, OK, donc de genre c'est du pétrole gluant, si vous voulez, qui sont d'épaisseur de plus de 100 mm dans le fond du golfe du Mexique, qui affecte la vie marine. Alors, des couches de 100 mm, OK, de 10 cm, qui recouvrent différentes sections du fond du golfe du Mexique. Alors, vous avez différentes vidéos, allez voir ça. Incroyable. Vous avez des républicains qui ont bloqué les enquêtes sur le déversement de pétrole au Sénat, aux États-Unis. Alors, on bloque les enquêtes. Alors, voilà, ça, c'est plus incroyable. Et puis, différentes vidéos, allez voir pour compléter le dossier là-dessus. Alors, voilà, nous, on est dû pour une petite pause. En retour, on va parler un peu de Moyen-Orient, des nouvelles les plus importantes. Et puis après ça, on va faire une autre petite pause. Et puis on va parler des nouvelles les plus importantes de l'actualité. On parle encore de ce foutu dossier des extraterrestres. Alors, c'est incroyable, on parle des extraterrestres. Et puis d'autres nouvelles de l'actualité qui sont aussi très importantes. Alors, à tout de suite. Sonho estranho passando por lá. Okay, vous êtes de retour à l'autre monde avec votre enrhumé présentateur François Marginat. Alors, petit retour rapide là sur le Pakistan. J'aurais pas le temps de m'étaler trop là-dessus cette semaine. Par contre, je tiens à faire suivi de dossier. On parlait la semaine passée là, de cette route au Pakistan qui avait été bloquée suite à une tuerie. En fait, les Américains qui utilisent leur fameux drone pour faire des attaques sur le territoire pakistanais. Alors, carrément une guerre non déclarée. On attaque une nation souveraine. On tue des gens là-bas sous prétexte que c'est des militants, des talibans, des terroristes, peu importe. Là, on dit même que là, le fameux Bin Laden, l'homme mort, se promène encore. Alors, c'est pas juste Jésus qui est ressuscité des vivants. Alors, Bin Laden aussi, hein, Bin Laden qui est ressuscité, qui ressuscite curieusement tout le temps à l'avenue des élections américaines. Vous allez remarquer ça. Incroyable. On vous prend pour des sans dessin, des vrais caves, des sans dessin, des idiots totales. Et puis, on continue de vous faire croire que Bin Laden est encore vivant. Et puis, là, même Bin Laden, dernièrement, milite pour qu'on contrôle le réchauffement climatique. Je veux dire, c'est complètement risible. Et puis, il y a différentes nouvelles qui sont sorties encore par rapport à ce blocus-là. Les États-Unis qui s'étaient excusés au Pakistan formellement. Vous avez au début de la semaine le Pakistan qui avait refusé de rouvrir la frontière et puis de laisser cette fameuse route hein, d'approvisionnement militaire américain très importante. Vous avez 75 à 80% de tout l'équipement militaire et puis des denrées qui circulent du Pakistan qui arrivent au port de Karachi puis qui circulent à travers le Pakistan pour traverser en Afghanistan. Et alors, on a eu différentes nouvelles sont sorties. On a appris que d'autres convois, d'autres camions ont été brûlés cette semaine. Certains même qui auraient été mis en feu par des contracteurs même de l'OTAN qui ont attaqué leur propre véhicule. Alors, on essaie de récolter les primes d'assurance. On rembourse ces gens-là plus les camions. Alors, on achète des camions neufs. Alors, vous avez toute une situation qui court derrière ça. C'est assez débile. Vous savez, on fait énormément d'argent de cette façon-là. C'est une guerre absolument coûteuse. Là. Quand je vous disais qu'un gallon américain de pétrole coûte 800 $, à un moment donné, ça devient des guerres complètement ridicules, OK? Je veux dire, c'est hors de tout entendement, OK? Alors, vous avez différentes nouvelles là-dessus. Dans une nouvelle, on apprend 29 camions qui transportent de l'essence qui ont été brûlés. Ensuite, l'OTAN a perdu au total 150 de ses camions de transport de pétrole. Ça aussi, là, je veux dire, ça commence à être des pertes assez importantes. Alors, 150 camions qui ont été brûlés, et puis dont plusieurs par des contracteurs même de l'OTAN pour collecter de l'argent des assurances, OK? Alors, voilà. Ensuite, dans une nouvelle, ben là, on a appris que le Pakistan qui a décidé de réouvrir cette route majeure d'approvisionnement américain. Alors, on en est venu à un certain accord. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement pakistanais est sorti gagnant de cette petite crise. Ça, c'est absolument certain. Alors, vous avez des nouvelles à aller trouver là-dessus. Et puis, là, vous avez justement le sommet de l'OTAN qui va se passer dans, je crois, quelques jours. Et puis, vous avez le général David Petraeus qui va être forcé avec Washington d'en arriver à des nouvelles ententes avec le Pakistan. Et on va essayer de trouver, évidemment, d'autres routes, des routes encore plus coûteuses pour amener cet approvisionnement, cette guerre, cette fameuse guerre illégale, immorale, qui se produit et se poursuit toujours en Afghanistan. Guerre qui, d'ailleurs, a passé son anniversaire le 7 octobre dernier, la semaine passée, en 9e année, incroyable, 9e année de guerre là-bas. Une guerre qui est coûteuse, une guerre qui coûte une fortune, et puis qui non seulement est coûteuse, qui non seulement est plus longue que la Deuxième Guerre mondiale, mais qui devient de pire en pire. Alors, on a eu cette année, l'année passée, des records de pertes de soldats de l'OTAN américaine, la même affaire. Vous avez des soldats italiens qui ont été tués cette semaine dans une attaque. Alors, ça aussi, c'est, je veux dire, l'hypocrisie est tellement incroyable, je veux dire. Vous savez, ces fameux soldats italiens qui ont été tués, hein, des soldats qui sont morts, 4 soldats dans une attaque en Afghanistan, ces soldats-là participent à une occupation militaire illégale dans un pays à l'étranger. Les soldats se font tuer, Et puis après ça, on est tout à fait scandalisé. On dit, oh mon Dieu, comment ça se fait que nos soldats se font tuer? Alors, vous avez le ministre de la Défense italienne ainsi que le président qui sont en train de parler d'autoriser le bombardement de différentes régions. OK? Alors, on veut bombarder différentes régions de l'Afghanistan pour se venger de la mort de ces soldats italiens qui sont en occupation militaire dans un pays étranger. Je veux dire, si vous voulez pas que vos soldats se fassent tuer, ben retirez du pays. Qu'est-ce que vous faites là, maudit gang d'épais? Je veux dire, complètement débile. Alors, nouvelle rapportée par des Associated Press cette semaine. Je veux dire, j'ai trouvé ça complètement ahurissant de voir l'effronterie totale, l'arrogance de ces gens-là, l'hypocrisie totale. Je veux dire, on joue les scandalisés. Je veux dire, retire-toi du pays, maudit sans-dessein. Je veux dire, excusez-moi mes propos, mais je veux dire, ça défie toute logique. Je veux dire, tu regardes ces gens-là aller, tu te demandes, mais c'est quoi la logique? Je veux dire, écoute, tu veux pas que tes soldats se fassent tuer? Débarrasse! OK? Alors, là, vous avez un des commandants de l'OTAN qui a déclaré que les nouvelles supposées menaces en Europe justifiaient la guerre en Afghanistan. Alors, ces gens-là, je veux dire, on se demande, même s'ils ont un cerveau qui fonctionne, de dire, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les nouvelles menaces en Europe? Des menaces qui n'existent même pas. Hein? Même l'Allemagne est sortie encore cette semaine en disant que là, wow, les États-Unis exagèrent totalement et inventent carrément des menaces. Et puis là, on vient sortir dans les médias, vous avez les commandants de l'OTAN qui disent « Ouais, puis ça justifie la guerre en Afghanistan. » Mais voyons donc, êtes-vous complètement débiles? Êtes-vous complètement débiles, les gens de l'OTAN? C'est quoi qui se passe dans votre tête? Je veux dire, pensez-vous qu'encore là, on est des idiots, puis que là, on va dire « Ah oh, oui, c'est vrai, ces menaces-là, hein, ça justifie la guerre en Afghanistan, on devrait amener plus de troupes d'ailleurs. » Voyons donc, ces gens-là, complètement débiles, des guerres qui servent à quoi? Qui servent à protéger et augmenter des profits de firmes privées, des firmes de mercenaires privés, du secteur industriel, militaro-industriel, et puis de d'autres compagnies privées, OK? Alors, là, je veux dire, à un moment donné, il va falloir arrêter de prendre la population pour des épais, OK? Alors, ça, c'est des nouvelles qui sortent cette semaine qui m'ont frappé comme étant, je veux dire, décoiffantes, comme étant complètement ahurissantes. Vous avez aussi les amputations, le nombre de soldats qui ont souffert d'amputations en Afghanistan, qui sont en augmentation fulgurante, OK, juste l'année passée, dans les territoires talibans. Alors, voyez voir ça, c'est les soldats qui, eux autres, paient le prix de ces guerres illégales. On envoie ces petits G.I. Joe-là, hein, des gens de 20, 25 ans, aller se faire amputer, se faire massacrer dans des guerres qui n'ont pas lieu, je veux dire, des guerres qui n'ont pas raison d'avoir lieu, OK? Alors, ça aussi, c'est très triste de voir ça. Je veux dire, vous avez aussi ensuite, vous avez ces drones américains qui ont tué 7 Afghans dans une autre attaque ici complètement honteuse. Alors, ça aussi, vous voyez, là, on continue de tuer des civils, des gens qui n'ont absolument rien fait. Complètement incroyable. Ensuite, vous avez Kandahar. À Kandahar, on a eu une attaque qui a tué 5 soldats de l'OTAN. Alors, des pauvres soldats qui continuent de payer le gros prix parce que vous avez des gens à la tête des Américains, à la tête des Britanniques, à la tête des pays qui ne comprennent absolument rien du bon sens et puis continuent d'envoyer leurs soldats dans ces pays-là. Alors, on continue de tuer des gens là-bas absolument pour rien. Vous avez même des forces de l'OTAN qui ont tué 6 membres des forces de sécurité afghanes. Alors, on tue même hein, des soldats pakistanais, on tue des membres des forces du maintien de l'ordre afghan. Alors, on tue n'importe qui. Et finalement, et une autre nouvelle, on apprend que l'OTAN a tué 4 enfants en Afghanistan. Alors, on tue même des enfants. Ben oui, hein, ça devait être des dangereux terroristes. Hein, donc, c'est important de tuer des enfants aussi. Alors, différentes nouvelles qui documentent tout ça. Ensuite, allez voir ça. Vous avez plusieurs nouvelles. Là, vous voyez, on continue de tuer comme ça des gens, des civils. Alors, ça aussi, ça va être bon hein, pour apporter la liberté. Hein, on va se mettre ces gens-là vraiment de notre côté. Ça, c'est certain. Ça va vraiment les rendre fous de joie. Alors, vous avez le Pentagone ici on est en train de parler ici du principe orwellien qui dit plus de guerre va promouvoir la réconciliation. Ben oui, hein, donc plus de guerre, on va faire péter plus de bombes, tuer plus de civils comme ça va vraiment forcer les talibans là à signer la paix, hein. Plus de guerre amène la paix. Vous voyez la logique de ces gens-là? Et puis, c'est ces gens-là qui mènent la guerre. C'est ces gens-là qui mènent nos pays, qui mènent l'armée. Hein? Des gens qui sont complètement psychopathes, qui disent plus de guerre va créer la paix. Ben oui, hein? C'est super. Ensuite, dans une nouvelle ici complètement déconcertante, on apprend que tuer un taliban, pour tuer chaque taliban, ça coûte 50 millions de dollars. Wow! Ça aussi, c'est spécial. Les chiffres viennent de où? Du Pentagone même. Le Pentagone génère des chiffres comme ça, des statistiques à chaque mois, OK? Qui, quand on les étudie, on se rend compte que là, wow, attends un peu, il y a un problème là. Hein? Pour tuer un de nos ennemis, supposé ennemi entre parenthèses, ça coûte beaucoup d'argent. OK? On calcule qu'on a environ 35 000 talibans sur le sol en Afghanistan. Et on tue environ, par année, environ 2 000 talibans, selon les meilleures informations disponibles. Le Pentagone a publié des chiffres comme quoi que la guerre afghane coûte environ 100 milliards de dollars. Okay? Pour 2010, ça a coûté 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Alors, on divise ces chiffres-là. Le Pentagone, les coûts indirects pour la guerre, c'est 100 milliards aussi. Alors, vous divisez 2 000 talibans qui sont tués à chaque année par le coût de 200 milliards de dollars par année pour la guerre en Afghanistan, et puis on arrive avec 100 millions de dollars. Alors, soyons un peu conservateurs, on coupe ce chiffre-là en deux pour être certain qu'on ne se trompe pas. 50 millions de dollars, alors c'est le coût que ça coûte pour abattre un taliban. Pensez-vous vraiment que ça vaut la peine? Pensez-vous vraiment que ça vaut la peine? Méchante question, n'est-ce pas? Alors, les payeurs de taxes américains qui se font ruiner vont faire banqueroute. Pourquoi? Parce qu'on finance ces guerres qui sont complètement débiles. 800 dollars pour un gallon de pétrole, 50 millions pour abattre un taliban. Alors, c'est assez incroyable. Alors, ça veut dire que ça coûte 1 milliard de dollars pour tuer 20 talibans. Ouh! Débile. Débile. Débile, ben raide. Alors, un petit mot qui revient souvent dans les émissions, débile. Ouais, des fois, peut-être que vous dites, ce gars-là s'y répète, je veux dire, ça devient un peu redondant. Mais oui, mais je veux dire, c'est l'époque dans laquelle on vit, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et une autre nouvelle, une vidéo ici, je veux dire, qui n'a aucun sens. Débile, je répète encore. Des firmes de sécurité privées américaines qui ont des liens avec les talibans. Alors, on essaie de tuer ces talibans-là, ça coûte 50 millions pour en tuer un. Et puis là, on se retrouve avec des firmes privées qui profitent de ces guerres-là, qui sont la raison pour laquelle la guerre est encore ouverte depuis 9 ans, que la guerre se perpétue depuis 9 ans. Et puis après ça, on se pose la question, ça se fait que ça fait 9 ans qu'ils sont là? Ben oui, parce qu'ils font de l'argent. Les guerres, ça leur apporte des profits. OK? Pensez-vous qu'ils ont intérêt à ce que la guerre se termine? Ben non. Et puis là, on se retrouve avec ces fameuses firmes privées qui, d'un côté, prennent l'argent des payeurs de taxes. Okay, pour assurer la sécurité, pour entraîner les troupes afghanes. Et puis après ça, on se retourne de bord. Et puis là, on apprend que ces firmes-là ont des liens aussi avec les talibans eux-mêmes. Eh ben, dis donc, n'est-ce pas incroyable? Vous avez aussi Obama qui a donné son soutien la guerre jusqu'en 2014. Alors ça, on apprend ça du New York Daily News. Alors Obama, lui, qui planifie de garder ses opérations militaires jusqu'en 2014. Alors, hein, ça, on va écouter là. C'est une guerre qui ne se terminera pas d'ici tôt. Et puis, vous avez dans nos nouvelles ici de Press TV, on apprend que les talibans ont capturé même une base américaine en Afghanistan. Alors, ça va bien en Afghanistan, ça va vraiment très bien. OK? En Irak, rapidement, vous avez les combats américains qui continuent même alors que la supposée fin des combats en Irak était censée avoir pris fin. Alors, les combats américains sont censés avoir pris fin en Irak, sauf que, bon, ben, on continue quand même en dessous de la couverture. Vous avez les morts des troupes qui continuent d'excéder, je veux dire, toutes les chiffres qu'on pouvait penser. En fait, on apprend dans ce rapport-là que la mortalité des soldats et puis le nombre de blessés ont excédé maintenant les chiffres de la guerre du Vietnam. Alors ça vient des chiffres des affaires des vétérans, du département des affaires des vétérans. Alors on apprend que 73 000 soldats américains sont morts Alors que en guerre du Vietnam, durant la guerre du Vietnam, on en avait eu 58 000. OK? Alors, ne croyez pas tous les chiffres, c'est certain. On vous cache les chiffres réels. La façon que ça en fonctionne actuellement, c'est que si vous avez un soldat qui est blessé, qui travaille de mourir, on l'envoie dans un hôpital à l'extérieur du pays, même s'il meurt en transport. Je veux dire, lui, il n'est pas inclus dans les statistiques. Alors, je veux dire, les vrais chiffres, là, c'est que vous avez, depuis la guerre du Golfe, et puis jusqu'à aller aujourd'hui. Alors, vous avez, là, il faut comprendre que depuis 91, là, on est en Irak, là, OK? Vous avez 73 000 soldats qui sont morts des suites de différentes situations, soit des morts directes sur le terrain ou des morts suites à cause des traumatismes, à cause d'intoxication, l'uranium appauvri ou peu importe. Peu importe, là, je veux dire, on est rendu à 73 000, là, OK? Donc, ça commence à faire des chiffres faciles, faramineux. Alors, c'est là qu'on en est. Est-ce que cette situation-là va se résorber d'ici tôt? Ben non, tant qu'on va être dans ce pays-là, je veux dire, les chiffres vont continuer à s'amplifier. OK? Alors, vous avez l'armée qui commence à être brisée. On a des chiffres ici, on apprend ça du McClatchy Newspaper, où on a des situations où on a des soldats, des taux de soldats qui se droguent et puis qui s'adonnent à des abus sexuels. Alors, vous allez voir ça, c'est en hausse absolument fulgurante. Vous avez dans un bataillon seulement ici, on apprend 70 soldats sur 1163 ont testé positif pour différentes drogues. On parle des méthamphétamines, amphétamine, cocaïne, marijuana. Alors, je voyais là, je veux dire, les soldats, écoute, là, à un moment donné, ils savent qu'ils sont pas dans une bonne guerre, eux autres, là, qu'ils sont du mauvais côté de la clôture, là, ils sont pas du côté des bons du tout, là. OK? Alors, on essaie de dissimuler ça. On a aussi des viols de masse de femmes et même d'enfants par des soldats américains. Vous avez une vidéo à l'appui de ça ici. Vous avez un soldat d'ailleurs qui a été accusé formellement justement de viol et puis de meurtre. Le Pentagone qui, encore là, veut savoir pourquoi que les troupes commettent le suicide. Alors, vous avez des taux de suicide records aussi. En réalité, vous avez plus de gens qui se sont suicidés ces dernières années qu'il y en a qui ont été tués sur le terrain. OK? Alors, ça aussi, là, je veux dire, c'est des nouvelles assez inquiétante, là. Je veux dire, les soldats se suicident, là. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir se tourner vers ces pauvres gens-là qu'on envoie là-bas. Il ne faut pas être contre les soldats. C'est bien, la majorité de ces soldats-là veulent juste bien faire, OK? Ils veulent aller défendre les bonnes valeurs, sauf qu'on les envoie dans des mauvais conflits. Je veux dire, on les envoie dans des conflits qui sont semi-privés, qui profitent à des firmes privées puis à des agendas internationalistes qui n'ont absolument rien à voir avec la part de la démocratie puis la défense des droits humains, là, OK? Vous avez un autre cas ici, un article qui a été rapporté par Uruknet, où on apprend que la situation à Fallujah, une ville irakienne, la situation là-bas est pire que ça a été à Hiroshima. J'en ai parlé à quelques reprises, mais je tiens à revenir là-dessus. On utilisait des armes chimiques. Les Américains utilisaient des armes chimiques et des armes à uranium appauvri qui font en sorte que vous avez des taux de radioactivité partout dans la ville. Et puis ça, ces taux de radioactivité-là vont être sur place pendant des centaines de milliers d'années. Alors là, vous avez des augmentations de 40 fois de leucémie chez les enfants depuis 2004, alors qu'on a vu ces fameuses attaques, cette destruction de la ville. Je veux dire, on a rasé la ville. Parce qu'on avait eu, on l'avait accusé là d'avoir résisté. Alors, incroyable, on avait pendu de ces fameux mercenaires privés-là qui, eux autres, se promenaient dans la ville et puis semaient la terreur. Alors, les gens étaient révoltés, puis on avait carrément pendu et brûlé, je crois que c'était trois de ces contracteurs privés-là. Les Américains s'étaient insurgés. On a rasé la ville. OK? Avec même des armes chimiques et de l'uranium appauvri. Alors, depuis ce temps-là, ben là, vous avez des taux de 40 fois plus de leucémie chez les enfants, des taux de cancer du sein qui sont 10 fois plus élevés qu'en 2004, des cancers lymphatiques qui sont en hausse de 10 fois depuis 2004. Alors, ça aussi, c'est des chiffres incroyables. Alors, vous avez aussi des taux de mortalité infantile qui sont rendus de 80 enfants sur 1 000, en comparaison au Koweït de 9 enfants sur 1 000, en Égypte de 19 sur 1 000. Alors, vous voyez que les chiffres en Irak, dans cette ville-là, sont 4 fois plus élevés qu'en Égypte et 9 fois plus élevés qu'au Koweït. OK? Alors, aussi, on ne parle pas même du taux du nombre d'enfants qui naissent avec des déformités horribles. OK? C'est des monstres. Alors, je veux dire, hein? Si on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, il va falloir se pencher sur ces cas-là. Alors, voilà pour le Moyen-Orient, c'est assez pour ça. On va revenir avec les autres dans les semaines à venir. Alors, maintenant, on va faire une autre dernière petite pause musicale et puis après ça, on va revenir avec les nouvelles de l'actualité. Vous êtes de retour à l'autre monde, encore une fois. Alors, on va terminer avec le dernier volet, l'actualité mondiale. Il y a plusieurs affaires ici à vous passer. Ça bouge. On parlait de ces fameux ovnis, alors particulièrement du cas dans Chine où on a eu ces images. J'imagine que vous avez eu dans les nouvelles, vous avez vu à quelque part ces fameuses images où on a vu un genre de truc, un genre de vaisseau spatial se déplacer dans le ciel à très haute altitude. Et puis, vous avez une nouvelle très intéressante ici là que je vous partage cette semaine, où on apprend de différentes sources chinoises ici que les Chinois sont probablement plus avancés dans leur programme militaire spatial que les États-Unis actuellement. Alors ça peut apparaître comme étant une nouvelle un peu surprenante ou peut-être même choquante pour certains, là. Sauf que là, on est en train de couvrir un programme militaire chinois en faisant croire que là, il y a des ovnis qui se déplacent dans le ciel. Vous avez ici un article très intéressant dans lequel on apprend que, justement, dans la littérature militaire chinoise, on a des systèmes, on a des appareils militaires capables de voler à des altitudes très élevées. Et on est en train de travailler sur des engins qui sont capables, après ça, de sortir de l'atmosphère. Et puis, ce que vous avez vu sur ces images-là sont très probablement, je vous disais très probablement, c'est sûr que je n'ai pas la preuve à 100%, mais je crois que le cas est assez bien exposé dans cet article-là. On apprend China UFO, Shenlong Space Plane Advances, China's Military Space Potential. Alors, on apprend très clairement dans cette vidéo-là, dans cet article-là, qu'on a des appareils en Chine, dont le Shenlong, le Hermes, le 601 et H2, qui sont capables de voler à très haute altitude. Et puis après ça, de larguer d'autres appareils qui sont capables là, de prendre le relais, et puis après ça, de sortir carrément de l'atmosphère. On est en train de faire des tests. Vous vous rappelez même, il y a, je crois, ça doit faire à peu près 2 ans, les Chinois ont montré leur capacité de détruire même des satellites qui sont en orbite à l'extérieur de l'atmosphère, alors en orbite autour de la planète. Alors, une habilité que les Américains n'avaient même pas à cette époque. Alors, les Chinois sont en train de montrer un avancement plus prononcé que les Américains dans leur capacité à atteindre l'extérieur de l'atmosphère, OK, donc atteindre l'espace. Et puis, on est en train de couvrir ça avec, bon, supposément des menaces, là, d'ovnis, puis d'extraterrestres, là. Alors, vous voyez, là, ça aussi, là, c'est très, très intéressant. Les États-Unis qui sont en déclin total depuis leur programme Apollo pour se rendre sur la Lune et les différents... les différents avancements que les Américains ont faits dans les années 60, 70 et 80, maintenant sont en déclin total. La dernière navette spatiale va être retirée de la circulation. Les Américains qui vont dépendre sur les autres nations maintenant pour aller en orbite, c'est incroyable. Vous avez même Obama, l'administration Obama, qui a coupé les budgets pour la NASA. La NASA qui n'est même plus l'ombre de ce qu'elle était. Et vous êtes en train de voir les Américains perdre la course vers l'espace et peut-être même pour aller sur la Lune une autre fois. Alors ça aussi, là, c'est une démonstration dramatique de la Chine sur son avancement et sur ses technologies très, très surprenantes. Et les Américains qui sont en train de montrer un échec total, de suivre ce qui se passe et de suivre cette course pour le développement spatial. Alors ça, c'est un embarrassement majeur pour le gouvernement américain, c'est certain, surtout juste avant une élection. Le président et le Congrès qui ont tout simplement sont en train de fermer la NASA, c'est pas plus compliqué que ça, utilisent cet argent-là plutôt pour acheter des F-35 pour Israël et puis pour financer Wall Street et puis mettre en place des plans de sauvetage des banquiers privés. Alors, pour le gouvernement américain, c'est ça qui est important. Ce n'est pas de faire en sorte qu'on mette en place des programmes qui, à ce moment-là, vraiment stimulent l'économie en créant des nouvelles technologies qui aussi bénéficier à toute la population en général. Okay? On a bien des technologies, bien des choses qu'on utilise aujourd'hui qui découlent de ces fameux programmes spatiaux américains. C'est-à-dire que c'est la réalité. Okay? Alors, ce qu'on a vu sur ces images-là dans les vidéos, vous allez voir ces choses-là en lien si vous ne les avez pas vues sur les nouvelles internationales. Ce qu'on a probablement vu dans ces vidéos-là, c'est un véhicule qui a atteint une altitude assez élevée et puis après ça, on a largué un autre véhicule qui, lui, est sorti de l'atmosphère. Alors, ça, c'est probablement une nouvelle technologie chinoise qui est en place et puis ça montre à quel point que les Chinois sont avancés technologiquement. Alors, ça n'a rien à voir avec des ovnis, ça n'a rien à voir avec des extraterrestres qui viennent nous attaquer ou quoi que ce soit, là. On est en train de voir des différentes nations qui sont en train de passer la prochaine étape technologique pour la prochaine étape qui nous attend, qui est l'espace. Ouais, on s'en va là, les amis, on s'en va vers l'espace, je veux dire. C'est la prochaine étape de l'humanité. Alors, il va falloir régler nos problèmes ici sur Terre. Un coup qu'on va avoir fait ça, je veux dire, on s'en va dans la prochaine étape, ça c'est certain, OK? Alors, on est en train d'endoctriner les enfants en Angleterre, je veux dire, on les éduque pas, on les endoctrine, et c'est assez incroyable. Vous avez une école en Angleterre, la Sanford Primary School, où on est en train d'entraîner les enfants à comment réagir si ces enfants-là sont témoins d'un écrasement d'un ovni dans leur cours. Alors, c'est assez incroyable, là, je veux dire, est-ce que ça m'a dit ça la croire, mais c'est une nouvelle, là, allez voir ça, là, je veux dire, on entraîne les enfants à comment réagir à un écrasement d'ovni, je veux dire. Alors, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire, là. Je veux dire, c'est une nouvelle qui dépasse tout entendement. Alors, dans une autre nouvelle, ici, on parle de la fameuse flottille de la liberté. Ça vient du Ynet News, alors un site de nouvelles israélien, alors où on apprend que l'armée israélienne est en train d'apprendre de son expérience du désastre de son attaque contre la flottille de liberté. Alors, évidemment que c'est un désastre total. Je veux dire, même le rapport des Nations Unies a reconnu que c'est une attaque sauvage, barbare, qu'on a fait des exécutions sommaires. On avait carrément assassiné des gens. Donc, une utilisation complètement démesurée, exagérée. On a tué à bout portant même un Américain. Et puis là, apparemment que là, les seules leçons que l'armée israélienne tire de cette mésaventure-là, c'est que dans les prochaines attaques des flottilles, on va utiliser des chiens. Ben oui. Pourquoi? Ben parce que les chiens d'attaque, hein, de l'unité de Hawketz sont bien formés. Et puis au lieu d'envoyer nos soldats en premier, on va envoyer les chiens en premier sur les bateaux pour faire en sorte que les soldats ne soient pas blessés. Alors, les chiens vont être envoyés là pour maîtriser les différents éléments sur les bateaux. Alors, après ça, le coup que tout le monde va être attaqué par les chiens, eh bien là, hein, on va immobiliser notre ennemi en les mordant. OK? Alors, on dit même que ces chiens-là sont tellement dressés que si la personne résiste, ben là, le chien mord encore plus fort. Si la personne résiste encore plus, ah ben là, le chien mord encore plus fort, jusqu'à temps que la personne est complètement incapacitée, est complètement immobilisée. Alors, on dit que ces chiens-là vraiment ont prouvé leur capacité, leur capacité sur plusieurs occasions d'être vraiment là très utile pour l'armée israélienne. Alors, on va utiliser des chiens maintenant. Alors, c'est fantastique, hein? Alors, vous avez maintenant Tzipi Livni qui a déclaré aussi la semaine passée, qui a accusé les Nations Unies d'intervenir dans les affaires intérieures des israéliennes, que les enquêtes des Nations Unies sont finalement, je veux dire, on dit que ces gens-là ne se mêlent pas de leurs affaires, qu'ils devraient s'occuper de leurs propres affaires. OK, alors ça c'est intéressant de voir aussi les deux poids, deux mesures. Hein? Donc, quand vous avez des attaques sur des bateaux qui battent pavillon américain, qu'on abat des citoyens américains sur des bateaux qui se trouvaient en eau internationale. Alors ça, vous savez, les États-Unis, Israël est membre des Nations Unies, ça veut dire qu'Israël est d'accord et lié légalement aux lois internationales. Alors ça, c'est un concept que Israël n'est pas d'accord avec. Hein? Donc, ça, on n'est pas d'accord avec ces choses-là. Mais par contre, quand c'est le temps de lancer des guerres contre l'Iran, quand on veut que là, on lance des forces armées puis qu'on attaque l'Iran parce que là, supposément que l'Iran possède des bombes nucléaires, supposément, bla, bla, bla, bla, bla, bla, alors quand là, c'est Israël qui veut saisir les Nations Unies pour intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran, ben là, ça, c'est correct. Hein? Alors ça, c'est correct. Alors voilà l'état psychopathique de l'État d'Israël, l'état psychopathique qui fonctionne dans les deux poids deux mesures. Alors quand c'est nous qui faisons ça, c'est correct. Quand par contre c'est une nation étrangère, là, ça, c'est pas correct. Hein? Des États qui sont, on se demande, c'est pas complètement des bébés, des enfants, des gens qui sont pas capables de raisonner comme un adulte. Et tant qu'Israël, à un moment donné, se réveille. Alright. Là, vous avez aussi, j'en ai parlé la semaine passée, officiellement, l'État est devenu, Israël est devenu un État théocratique. Alors, ça a été passé dans tous les niveaux du gouvernement israélien, et puis ça a été appuyé par Benjamin Netanyahou. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on se retrouve avec la première théocratie, la première nouvelle théocratie du 21e siècle, et j'ai nommé Israël. Alors, il va falloir changer le nom, il va falloir l'appeler réellement l'État juif israélien, okay? Un peu comme on appelle l'État islamique, la République islamique d'Iran, il va falloir appeler la République juive d'Israël. Alors, c'est une république théocratique, OK? Alors, quand on pointe du doigt, oh, regardez l'État islamique iranien, les islamiques, bla, bla, bla, ben là, écoutez, là, je veux dire, maintenant, on est rendu avec un nouvel État israélien qui est un État théocratique. Alors, pourquoi je dis ça? Ben, parce que maintenant, on va obliger tous les nouveaux citoyens qui s'établissent ou qui veulent obtenir la citoyenneté israélienne à jurer loyauté sur l'État juif, OK? Alors, juif, ici, on parle de la religion, OK? Alors, tous les nouveaux citoyens qui ne sont pas juifs vont devoir porter loyauté au judaïsme. Alors, incroyable. Alors, voilà. Et puis, vous avez une autre nouvelle ici assez intéressante. Pourquoi intéressante? Parce que c'est l'Afrique du Sud qui a connu l'état d'apartheid. Ces gens-là ne savent mieux que nul autre ce qu'est l'apartheid. Et puis, vous avez différentes organisations, dont plusieurs universités. Vous avez 13 universités en Afrique du Sud, dont 100 académiciens. Alors, des gens qui se sont mis ensemble et puis qui ont déclaré un boycott financier contre l'État d'apartheid d'Israël. Alors, ça va être assez difficile de les accuser d'antisémitisme, ces gens-là, de dire, voyons, l'État d'apartheid, on ne pouvait pas dire ces gros mots-là. Oh, c'est pas beau de dire ces mots-là. Alors que, je veux dire, vous avez ces gens-là qui ont subi l'apartheid, qui le reconnaissent dans l'État d'Israël, qui disent que ces gens-là sont en train d'imposer un état d'apartheid à la Palestine et puis ont levé un boycott contre cet état, un boycott qui est suivi dans plusieurs pays aussi. Dans une autre nouvelle assez intéressante ici pour terminer rapidement, vous avez des nouvelles trouvailles archéologiques très intéressantes qui ont été faites en Chine où on a trouvé des ossements qui montrent qu'on avait on avait une filiale, différents humains qui évoluaient de façon parallèle avec ceux en Afrique. Alors, ces gens-là n'avaient pas eu encore de contact ensemble et puis on avait différentes espèces d'humains qui ont mené à ce qu'on est actuellement, à ce qu'on voit actuellement. Alors, on pensait que tout le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité était en Afrique. Alors, faux. Alors, ce mythe-là vient d'être brisé par ces nouvelles trouvailles archéologiques chinoises où on montre qu'on avait une filiale humaine qui est en train d'évoluer aussi parallèlement en Afrique, qui est en train d'évoluer aussi en Asie de façon très ancestrale, aussi vieille qu'en Afrique. Alors ça, des nouvelles quand même assez intéressantes. Et rapidement, vous allez trouver là quelques nouvelles qui se rattachent au dossier de l'Internet où on parle beaucoup de censure. Vous avez Barack Obama qui a appliqué beaucoup de pression pour pouvoir appliquer de la censure sur différentes adresses ISP, différents sites Internet qu'on veut bloquer. Alors, ça aussi, là, c'est des nouvelles assez inquiétantes. J'en ai parlé au cours des dernières années, ça continue de s'amplifier. On montre que le gouvernement essaye même de montrer du doigt, d'essayer de censurer même des sites qui, finalement, ont sur leur site, eux, que des opinions politiques, OK? Donc, des opinions politiques qui sont antagonistiques à l'État. Alors, on essaye de censurer la dissidence politique, OK? On essaye de censurer la liberté d'expression, même sur le net. Vous avez la NSA qui, elle, a déclaré de son côté que les États-Unis doivent sécuriser l'Internet. Alors, on doit avoir un contrôle plus serré sur l'Internet, être même capable de faire en sorte, là, on met ça entre parenthèses, là, des activités cybercriminelles, alors qu'en réalité, on essaie de donner le pouvoir de contrôler l'Internet, de fermer les sites Internet qui ne font pas leur affaire. Vous avez les États-Unis encore dans un autre article ici. Bon, c'est l'ancien directeur de la CIA, Michael Hayden, qui a déclaré que les États-Unis devraient avoir la possibilité de tout simplement fermer l'Internet. Alors, tout le temps sous la supposée menace du cyberterrorisme. Alors, on fait tout le temps ces pas-là sous des motifs, des faux motifs. Ça aussi, c'est des nouvelles à avoir en tête, très intéressantes. Une nouvelle loi, encore là, aux États-Unis, qui est mise en place par l'administration Obama, où on va se donner encore plus de possibilités de surveillance électronique, de surveillance électronique de toutes sortes de communications, comme les différents réseaux sociaux, les téléphones BlackBerry, différents sites Internet. Alors, on a un projet de loi aux États-Unis qui est présenté, qui va faire en sorte On va demander aux services Internet, OK, qui donnent les services Internet, de faire en sorte que tous ces équipements-là soient équipés de mécanismes qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'écouter, d'intercepter, de faire de la surveillance électronique de tous ces réseaux-là, même les réseaux comme Skype puis Facebook. En une autre nouvelle, ici, on parle de censure qui va être au centre, au cœur même du prochain projet de loi qui s'appelle Online Infringement. C'est un autre projet de loi aux États-Unis qui va faire en sorte que finalement, là, la liberté d'expression va être vachement entamée. On va essayer de finalement la déchirer, cette fameuse liberté d'expression, et le gouvernement va se donner le droit de restreindre cette fameuse liberté d'expression. Alors, on va se donner le pouvoir, comme je vous disais, là, de tout simplement fermer différentes parties de l'Internet. Si vous vous critiquez trop, le gouvernement zappe, vous allez être identifié au cyberterrorisme ou peu importe. Alors, zappe, on va vous fermer aussi. Alors, la dictature, hein, qui est en train de se montrer directement dans votre visage, des agents du FBI qui cherchent à avoir le pouvoir d'intercepter vos textes, vos courriels, même aussi de pouvoir suivre ce qui se passe dessus différents sites Internet. Alors, ça aussi, c'est des nouvelles qui sortent l'une après l'autre. On voit que le gouvernement agit de façon de plus en plus dictatoriale. Donc, on en a évidemment de ces nouvelles-là de plus en plus. Je veux dire, c'est à suivre. Bon, ça va être à peu près ça, là. Je veux dire, vous avez même ici un plan du Congrès qui ferait en sorte qu'on aurait même l'établissement d'une liste noire de différents sites Internet. Alors, c'est incroyable, établir des listes noires. On retourne au temps des Soviétiques, là, je veux dire, le temps des dictatures et puis d'à peu près, je veux dire, de toutes les tyrannies ont fait ça, je veux dire, mettre en place des listes noires. Je veux dire, incroyable, je veux dire, allez-y, une grande entreprise criminelle, OK? Donc, qu'est-ce que ces gens-là essayent de faire? C'est tout simplement de vous intimider, hein, de faire en sorte que les gens arrêtent de parler ensemble. Ça les fait suer, ça les incommode de voir vous, le peuple, parler ensemble, échanger de l'information. Hein, j'ai des gens qui m'écrivent sur la chaîne YouTube de L'Autre Monde, qui sont surpris de la liberté d'expression qu'on a ici au Québec, qui sont surpris du type de nouvelles que je traite ici sur L'Autre Monde, qui disaient ça passerait pas en France en ce moment. Vous avez des Français qui trouvent ça bien ironique parce que justement, normalement, traditionnellement, les Français sont beaucoup plus. Hein, sont beaucoup plus volubiles, sont beaucoup plus vocaux. Hein, ces gens-là sont très sharp, sont très intellectuels, capables de discuter des choses qui se passent, vont direct au but. Et puis là, en France, c'est rendu tabou, je veux dire, c'est rendu censuré, on ne peut plus parler des vraies choses. Il faut parler, hein, à mots couverts en France. C'est rendu qu'au Québec, on a plus de liberté d'expression qu'en France. Et puis, on a beaucoup de ces valeureux Français, sont nos chers cousins, qui viennent ici au Québec pour reprendre leurs nouvelles, pour même discuter sur nos forums publics, parce qu'en France, c'est plus permis, on peut plus parler de ces choses-là. N'est-ce pas incroyable? Alors, on essaie d'intimider la population en leur disant que oh, c'est illégal, maintenant, tu peux plus parler de ça, c'est antisémite, c'est anti-ci, c'est anti-gouvernement, c'est haineux, c'est rah-rah-rah, je veux dire. Fait que, moi, je vais vous dire, chers auditeurs, on essaie de vous intimider. Pourquoi on essaie de vous intimider? Parce que ces gens-là ont peur de vous, ont peur que vous rapportiez la vérité, que vous échangez des informations. Alors, la solution, c'est quoi? Ben, c'est de faire exactement le contraire, OK? Parler de ces choses-là, ouvrez des sites web, partez des émissions d'information comme je le fais. Je veux dire, je ne suis pas plus spécial qu'un autre, moi-là. Là, je veux dire, j'étais un petit joblot tranquille, là, je veux dire, OK? Je veux dire, n'importe qui est capable de faire ça. Alright? Alors, échangez de l'information, envoyez des courriels, postez de l'information partout sur tous les forums, partez des sites Internet par la dizaine, si vous voulez. Okay? Faites ça par millions et par millions. Je vous garantis que ces gens-là n'ont pas les reins, n'ont pas les effectifs pour essayer, même de commencer à essayer de vous intimider, de vous censurer, de vous mettre en prison, de vous taxer ou de faire n'importe quoi. Ces gens-là sont épeurés, ont peur de vous et essayent de vous intimider. C'est juste des tentatives pour de vous intimider. Puis moi, je vous dis, ne vous laissez pas intimider, OK? Ne vous laissez pas épeurés comme ça. Ces gens-là sont complètement dans leur coin, sont dépassés par la situation de ce qui se passe sur Internet, et puis c'est pour ça qu'on essaye de tout censurer, qu'on essaye de mettre le couvert partout. OK? Donc, ne laissez-vous pas faire, ne vous laissez pas faire. Alors voilà, c'est tout, chers auditeurs, pour cette émission de la semaine. Et puis, pour terminer sur une bonne note, j'aimerais saluer et féliciter cet effort incroyable de sauvetage des 33 mineurs au Chili. Une opération qui a rencontré un grand succès. Et c'est vraiment une histoire quand même incroyable, une histoire qui se termine bien. C'est quand même, faut quand même pas cracher sur ces histoires qui se terminent bien. On en a besoin de ça. C'est une superbe histoire qui, malgré tout, après avoir passé plus de 2 mois sous terre, ces gens-là ont été secourus. Et puis, j'espère que cela va lancer un message clair pour tout le monde et qu'on va faire en sorte que les compagnies minières qui se foutent de ces travailleurs-là, autant au Chili qu'en Chine, qu'aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, qu'on protège mieux ces gens-là, ces gens qui travaillent sous terre, et puis qu'on les paie mieux, et puis qu'on aussi on les respecte mieux en les protégeant d'une façon beaucoup plus soutenue. Et voilà quoi. Donc, je vous salue bien bas. C'était François Vergineau pour L'Autre Monde. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.